ce qu'on en dira. Tu es mon plus bel alibi, car porte ce qu'on en fera. De nos je t'aime en haut débit. Et qu'est-ce qu'on fout encore planté là, à regarder les passants passer. Qu'est-ce qu'on fout encore connecté, à regarder les humains tweeter. Je funambule, sans fil sur ton réseau. Je déambule, mon amour 2.0. C'est ridicule, comme un compte à rebours. Je somnambule, l'illimité tu vas l'amour. Tu fais des bulles, et des milliers de mails en retour. Un point virgule, pour une nouvelle mise à jour. Je funambule, entre amour et désamour. Je déambule, tu ne fais que me tourner autour. Et des milliers de mails en retour. Un point virgule, pour une nouvelle mise à jour. Je funambule, entre amour et désamour. Je déambule, tu ne fais que me tourner autour. Si tu pouvais poster ton âme, une photo sur Instagram. C'est juste que l'on se répète comme un bug et tu déconnectes. Qu'importe qui l'on parlera sur les écrans jusqu'à minuit. Qu'importe si tu la connais ou pas, à midi tout sera fini. Et qu'est-ce qu'on fout encore planté là, toujours aux abonnés absents. C'est l'addiction qui nous perdra. J'éteins sans mobile apparent. Je funambule, sans fil sur ton réseau. Je déambule, mon amour 2.0. C'est ridicule, comme un compte à rebours. Je somnambule, l'illimité tu auras l'amour. Sans fil sur ton réseau, je déambule.